écologie. Amélie avait pénétré au cœur d'un prisme de lumière. Ébahie, elle se tenait immobile dans le hall d'entrée, ses yeux peinant à s'habituer à la blancheur aveuglante, aux subtilités du design, à l'impeccable pureté des lieux. Un léger parfum de lilas flottait dans l'air. De vrais lilas, en fleurs, depuis un mur végétal cerné de chutes cristallines. L'air était libre de poussière et de smog, d'une fraîcheur vivifiante. L'harmonie parfaite régnait. Une esthétique méticuleusement conçue, telle une caresse pour les sens. « Mademoiselle Lacroix !» entonna la voix mélodieuse d'une des six réceptionnistes au comptoir. Tirée de sa rêverie, Amélie s'avança vers le comptoir en miroir, obligée de frôler au passage quelques habitants de l'arcologie, tous d'une beauté fracassante, d'un charisme pénétrant. Autant de personnes importantes, de visages épanouis, de peau saine, de figures athlétiques. Amélie se sentit aussitôt honteuse dans son tailleur démodé, sa jupe fade, ses souliers usés dont le vernis commençait à ternir. Nerveusement, elle passa la main dans ses mèches blondes et tendit sa carte d'identité à la réceptionniste. Plutôt que de la prendre, celle-ci lui sourit simplement, un sourire généreux, révélant des dents perlées, parfaitement symétriques. De grands yeux d'émeraude cherchaient ceux d'Amélie, amusés, rieurs, paisibles. « Nous vous attendions », précisa la réceptionniste. Premier officier Gautier, 23e étage, suivit simplement les indications. « Oh, et passez une belle journée, mademoiselle Lacroix. »« Merci », bredouilla Amélie, embarrassée, avant de poursuivre sa marche, scrutant plantes exotiques et toiles nouveau genre au passage. L'arcologie était une construction titanesque, s'imposant dans le cœur de Montréal. Le chef-d'œuvre d'éco-architecture s'étalait sur plus d'un kilomètre à la base, incrusté 10 étages plus bas dans les boyaux de la vieille métropole. Elle gravissait ensuite 44 étages plus haut et trônait parmi les plus hauts gratte-ciels du centre-ville. Mais l'arcologie constituait, à elle seule, une véritable micro-cité. Compartimentée pour héberger, divertir et fournir un espace de travail efficient à près de 1 000 citoyens privilégiés, la pyramide était presque entièrement autosuffisante. Toute l'énergie et les déchets étaient recyclés, réutilisés, et les serres intérieures produisaient de la nourriture pour tous les habitants. Finalement, un réacteur à hélium 3 tourbillonnait sans relâche aux niveaux inférieurs, veillant éternellement à la plénitude du système clos. Un endroit ordonné. « Vous montez ?» demanda un homme en complet devant les ascenseurs. Il sourit à Amélie, l'expression limitée par les chirurgies plastiques. À son côté, patientait une femme portant un maillot d'entraînement 2 pièces, une serviette autour du cou, son corps sinueux moulé dans le mince vêtement, la peau ruisselante de sueur. Elle aussi souriait, mais timidement, en coin. Amélie acquiesça et les portes transparentes s'ouvrirent sans bruit. Ils pénétrèrent tous les trois dans la case capitonnée. Doucement, l'ascenseur commença à s'élever, enveloppé d'une subtile mélodie de clochettes asiatiques. Amélie hésitait à s'abandonner à cette vague de bien-être, de complaisance. Quelque chose ne tournait pas rond. « Pourquoi est-ce que tout le monde est gentil avec moi ?» se demanda-t-elle, péniblement consciente qu'elle n'avait pas le profil d'une résidente. C'est alors que l'ascenseur jaillit en dehors des premiers niveaux, directement sur la façade inclinée de la pyramide, révélant une vue époustouflante sur la métropole. Le cœur d'Amélie fit 3 tours. Elle avait rarement vu Montréal de plus haut que le pavé, et jamais d'un pareil promontoire, de l'épicentre même du réseau où toutes les routes, tous les câbles et toute la beauté convergeaient. Vue du centre, la métropole se dévoilait d'une impossible laideur. Toutes les directions suivaient le même spectre. d'un point la clarté rafraîchissante de l'arcologie, avec ses angles exclusifs et sensuels, et de l'autre point la noirceur rance et pourrie des ghettos de la Pointe et d'Hochelaga, les rivières grises bordant l'île. L'arcologie parut soudainement incroyablement petite et téméraire, un phare lumineux et incongru, seul dans la marée cancéreuse. Et la misère, la détresse sans fin de tout ce qu'Amélie pouvait apercevoir là, chacune des rues qu'elle avait déjà parcourues dans son auto-patrouille blindée. Amélie réalisa qu'elle était émue. Sans réfléchir, elle plaça une main sur la surface vitrée. Là, une autre sensation, la froideur sur sa peau, l'implacable frontière qui la séparait encore du reste du monde. La duloxétine commençait à quitter son système. Le brouillard chimique se levait enfin. « Vous avez vu le fil ce matin ?» s'enquit l'homme en complet, brisant le silence. La femme haussa les épaules, s'essuya le visage de la serviette. « J'étais au yoga !» prétexta-t-elle. « Eh bien !» annonça l'homme avec enthousiasme. « Ils ont dévoilé 6 nouveaux béhémoths pour remplacer celui qui est tombé la semaine dernière. Nouveau modèle. Ceux-là ont des ballons spéciaux qui les empêchent d'être renversés. C'est ingénieux, non? On n'arrête pas le progrès. » Amélie réalisa que cette dernière remarque lui était adressée. Elle se tourna vers le couple, décela une expression de sympathie, de reconnaissance même. De toute évidence, ces parfaits inconnus, ces gens importants, ces citoyens privilégiés savaient exactement qui elle était. Le fil médiatique circulait partout. Ils pensent vraiment qu'ils ont besoin de moi, comprit Amélie. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sans bruit. 23e étage.